Section 80 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 80. Victoire d'âme. Fragment du journal intime d'une femme par Georges Duruy. Troisième partie. 27 mai. Le sentiment que j'ai eu pour Jacques, ne cherchais-je point à me tromper moi-même, en parlant ainsi au passé? Ce sentiment n'était pas assez pur de tout alliage grossier. Je voudrais le dépouiller de ce qu'il y avait en lui d'égoïste et de bas, le spiritualiser, au point qu'il participe enfin de la noblesse, de la grandeur, des sacrifices surhumains et du martyr. La jalousie, c'est le cri de la chair, et la chair est vile. Je n'ai que trop écouté cette honteuse voix. Je ne veux plus l'entendre, je veux qu'elle se taise. Comme je serais fier de la victoire remportée sur moi-même, si je pouvais me dire un jour que je n'ai plus pour lui que la tendresse d'une sœur. 28 mai. La tendresse d'une sœur, non, ce n'est pas assez. D'une mère, oui. Il y a dans l'amour maternel quelque chose d'inquiet et d'ardent qui conviendra mieux à mon pauvre cœur, tout frémissant encore, que la tendresse égale et paisible des sœurs. Oui, c'est bien ainsi que je veux le chérir. Mais hélas, toute femme malheureuse et trahie n'a-t-elle point formé la résolution d'aimer autrement quand elle ne se sentait pas la force de ne plus aimer? Et combien en est-il qui ait réussi? D'ailleurs, n'est-ce point commettre à l'égard du plus beau de tous les sentiments une sorte de profanation que de prétendre aimer comme une mère celui que j'ai si longtemps aimé comme une amante? Sa place dans mon cœur pourra-t-elle jamais être la même que celle qui tient ma fille? Oh, la dure entreprise! Et comme il faut que j'aie besoin d'aimer encore d'une façon quelconque, fût-elle sacrilège, ce cruel et cet ingrat, pour que j'ose songer seulement à une pareille chose. 10 juin. Hier soir, il m'avait fait la grâce de dîner à la maison. Me voyant très pâle, il avait même daigné prendre des nouvelles de ma santé, dont il se soucie moins, je crois, que de celle de son cheval. Et comme je suis ainsi faite que la moindre marque d'intérêt qu'il me donne me touche encore, autant qu'au premier jour, je me sentais déjà pleine de gratitude. À table, il avait parlé de me conduire au bois, en voiture après dîner. Et je me faisais une fête de respirer, assise auprès de lui, l'odeur des acacias en fleurs, me souvenant que c'était un soir de printemps semblable à celui-là, un soir tout parfumé où des étoiles filantes rayaient la nuit bleue, qu'il m'avait pour la première fois parlé de son amour, aussi éphémère, hélas, que ces beaux météores. Un télégramme arriva, qu'on lui remit au moment même où nous allions partir. Il s'excusa d'un air embarrassé, prit son chapeau, sa canne, et sortit, me laissant seule, comme toujours. Et s'en fut fait de la petite lueur de joie qui commençait à trembloter timidement au fond de mon cœur. Je sentais quelque chose comme un grand voile de désespérance qui s'abattait sur moi et qui m'enveloppait toute. Je me couchai, j'ouvris un roman, je ne sais lequel. Ah, qu'elles me semblaient peu de choses comparées aux miennes, les souffrances imaginaires dont je lisais le récit. Et comme ceux qui font ces livres-là s'en vont loin chercher des sujets, comme ils les compliquent inutilement, alors que tant de drames, simples, terribles et déchirants semblables à celui qui se passe ici même, s'accomplissent autour d'eux. N'ont-ils donc pas d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre? Ah! Si j'étais un homme, si je savais écrire, si je pouvais conter l'histoire de la misérable créature que je suis, je leur en montrerais un livre. Et dans ce livre, il n'y aurait rien, ni fade et pâle personnage, ni ridicules aventures, ni intrigues ingénieuses et puériles, rien qu'une âme, une âme vibrante et douloureuse, luttant contre un sentiment plus fort qu'elle, comme Jacob avec l'ange. Et ils verraient bien si ce n'est point là de l'humanité, comme ils disent, et de la bonne, de celle qui fait que, quelque pauvre être, lisant un livre dont l'auteur n'est plus qu'une poignée de poussière, si c'est un vrai livre du cœur, retrouve dans ses pages, restées jeunes parce qu'elles étaient sincères, quelque chose de sa propre souffrance, et souffre un peu moins, peut-être, en constatant que d'autres ont souffert du même mal bien longtemps avant lui. Les heures se passaient. Je les écoutais sonner l'une après l'autre à la grande horloge des écuries, lente, monotone, et si triste qu'elle me faisait songer à de grosses larmes, venant je ne sais d'où, qui auraient fait du bruit en tombant dans la nuit. J'étais si lasse que je finis par m'assoupir. Quand je me réveillais, la bougie, que je n'avais pas soufflé, le sommeil m'ayant surprise au milieu de ma lecture, agonisait près de moi sur la table. Un peu de lumière blafarde commençait à filtrer à travers les lames des persiennes. 4 heures sonnèrent. Je me levai, j'ouvris avec précaution la porte de sa chambre. Elle était vide. Que se passa-t-il alors en moi? Je ne me rappelle plus bien. Je me souviens seulement qu'une angoisse inexprimable me saisit. L'idée qu'il était malade, blessé, mourant peut-être, traversa soudain mon esprit. Vêtu à peine, enveloppé d'un grand manteau, une mantille sur la tête, je descendis. Obéissant comme une somnambule à je ne sais quelle étrange suggestion qui me commandait d'aller à sa recherche. Comment je fis ouvrir par le concierge la porte de l'hôtel, comment je me trouvai dans la rue, je ne le sais plus. J'allais droit devant moi. Des cabarets commençaient à s'ouvrir. Des voitures de maraîchers, chargées de légumes, descendaient lentement les Champs-Élysées. D'autres, des voitures de laitiers, passaient à fond de train avec un grand bruit de ferraille qui montait comme un cliquetis d'armes entrechoquées dans le silence de la ville encore assoupie. Je rencontrai des ouvriers se rendant, outils sur le dos, à leur tâche, des chiffonniers qui en revenaient, ployant les chines, comme des bêtes harassées, sous le poids de la haute plaine, des balayeurs, des palefreniers en sabots, des hommes au visage hâve et flétri, à la barbe inculte, aux yeux mornes, cerclés de paupières sanglantes, noctambules fatigués, qui irait mélancoliquement en quête de quelque coin pour dormir. Tous ces gens passaient devant moi comme des figures de rêve. Je montai l'escalier du cercle. Dans l'antichambre, un garçon dormait, allongé sur une banquette. Je le réveillai, et je lui demandai si Monsieur Dorcel était là. Il me répondit que Monsieur Dorcel avait quitté le cercle à minuit. Je redescendis, je pris une affreuse voiture qui passait, je me fis conduire à un autre cercle, puis à un tripot, où j'avais appris qu'il jouait quelquefois aussi. Personne. Alors je pensais qu'il avait été assassiné, et je fus sur le point de me faire conduire à la morgue. Puis l'idée très simple, pourquoi ne l'avais-je pas eue tout de suite, je l'ignore, l'idée me vint qu'il était allé finir sa nuit de jeu chez quelque fille, et je sentis que j'aurais mieux aimé le trouver gisant au coin d'une rue, la poitrine trouée, que de le savoir là où je devinais qu'il était en ce moment même. Je me fis ramener à l'hôtel. « Monsieur vient de rentrer, » me dit tout bas le concierge, « et je ne lui ai pas dit que madame était sortie. Oh, honte! Qu'a-t-il donc cru cet homme que j'étais allé faire ?» Je montai, j'entrai dans sa chambre, violemment. Il se déshabillait, se retourna, parut surpris. « D'où venez-vous ? » lui dis-je. « Et vous-même ? » répondit-il froidement, après m'avoir enveloppé d'un regard dur. J'éclatai. Je lui dis ce que j'avais fait, d'où je venais. Je l'injuriais, je sanglotais, je me tordis les bras de désespoir devant lui. Et ses yeux ne me quittaient pas. Il observait ma douleur comme un spectacle quelconque, curieusement, sans pitié. Puis, quand j'eus fini de lui dire ce que j'avais sur le cœur, il se mit à parler à son tour. Il me raconta je ne sais quelle histoire absurde, qu'il s'était pris de querelle au cercle, avec un de ses amis, qu'il était allé en consulter 2 autres pour savoir s'il devait demander réparation, que, la question étant délicate, complexe, la délibération s'était prolongée fort tard. Que sais-je encore? Je sentais qu'il mentait, et l'idée de ce duel, auquel je ne croyais pas, me faisait peur néanmoins. Alors voyant que j'étais ému, le bourreau se mit à sourire, comme il fait chaque fois qu'il s'est donné à lui-même une preuve nouvelle de l'omnipotence de sa domination. Il prit mes poignets, m'attira impérieusement sur sa poitrine. Ah, lâche, lâche que je suis, vile créature, femme folle de son corps. Tout mon ressentiment, toute ma colère, s'est fondu en tendresse. J'ai noué mes bras autour de son cou. J'ai contemplé dans une sorte d'extase cette belle tête blonde de Christ. J'ai embrassé 1000 et 1000 fois ses yeux bleus, fatigués et cernés, que je sentais remuer sous mes lèvres comme le cœur d'un oiseau que l'on tient dans la main. Je me suis laissé aimer par cet homme, et les baisers qu'il me donnait, ces baisers infâmes, tout chauds encore de la bouche d'une autre, je ne les ai jamais trouvés aussi enivrants. Dans quel abîme d'ignominie suis-je en train de rouler? 14 juin. J'ai pris le seul parti qui puisse m'empêcher de tomber aussi bas, à mes propres yeux, que les malheureuses, à qui la folie des sens enlève toute dignité, tout respect d'elles-mêmes. Je ferme maintenant, chaque soir, à double tour, la porte qui met en communication la chambre de Jacques avec la mienne. Cette nuit, je l'ai entendu rentrer vers 1 heure, aller et venir, ouvrir sa fenêtre, sans doute pour fumer une cigarette. Mon cœur battait, car il ne se couchait pas, et j'avais peur. Il a refermé sa fenêtre, s'est approché de ma porte, a essayé de l'ouvrir. Comme elle résistait, il a dit à voix basse et impérieuse « Louise, Louise !»« Qu'y a-t-il » ai-je répondu. « Pourquoi cette porte est-elle fermée ? Ouvrez ! Qu'avez-vous à me dire ? Mais bonsoir, apparemment !» J'entendais le bouton grincer entre mes doigts. Le bois criait sous la pesée de son corps. Je sautais à bas de mon lit et, collant presque mes lèvres sur la porte, je lui criais « Jamais !» Alors, un craquement retentit, la serrure arrachée céda, et il parut, tout pâle. Sans doute, l'obstacle avait encore irrité son désir, car il avait ce frémissement des narines, ce froncement des sourcils qui le fait, à ces moments-là, ressembler à une bête affamée. Il fit un pas vers moi, déjà il tendait les mains. Je compris que s'il ne m'effleurait seulement, j'étais perdu, perdu comme l'autre soir, perdu à jamais. Je me reculai brusquement. Je saisis sur la table un petit stylet corse, à poignée incrustée de nacre, dont je me sers comme de coupe-papier. Et je lui dis, d'une voix et avec un regard où quelque chose de terrible a dû se passer, « Si tu fais un pas de plus, si tu me touches, je te jure devant Dieu que je me tue. » Il s'est arrêté, m'a regardé avec une sorte de stupeur, comme s'il se trouvait en face d'une femme qu'il ne connaissait pas. Puis, il a haussé les épaules et regagné sa chambre, en refermant tant bien que mal la porte derrière lui. Je me suis habillée et j'ai passé le reste de la nuit dans un fauteuil, car il me semblait à tout moment que j'allais le voir reparaître, l'œil enflammé. Et j'avais été sincère, en lui jurant que je me frapperais avec ce poignard, plutôt que de me prostituer à son brutal désir. Je viens de me faire installer une chambre dans une autre partie de l'hôtel, sous prétexte de convertir la mienne en cabinet de travail à son usage. Enfin, je n'ai donc pas été lâche. Et je l'ai dompté, à mon tour. 15 juin. Aujourd'hui, je recevais, et j'avais quelques personnes au salon. Mon amie Germaine se répandait, comme d'habitude, en indiscrète doléance sur le compte de son mari. J'éprouvais une sorte de dégoût. À la voir étalée ainsi aux yeux d'indifférents, sans que nul l'y forçât. L'indignité de l'homme qu'elle a choisi librement pour époux, et dont elle porte le nom. Je me disais, quelle honte! Ce n'est pas moi qui mettrai ainsi le doigt sur les plaies vives de mon ménage, que, dans le secret de ma conscience, je juge avec sévérité celui qui m'a trahi, soit. Mais dire un seul mot contre lui, dévoiler sans pudeur mes souffrances, solliciter d'autrui une banale ou hypocrite compassion, jamais, jamais. Vers 6 heures, il ne restait plus que cet ancien diplomate qui trouve, paraît-il, de temps en temps, malgré son âge, quelques menus profits à jouer auprès des femmes délaissées le rôle de consolateur et de vieil ami. Ce céladon de 70 ans s'occupe beaucoup de moi depuis quelque temps, et cet empressement ne me plaît guère. Il commença, dès que nous fûmes seuls, à me faire entendre qu'il me savait malheureuse, qu'il me plaignait de tout son cœur, etc. Je le laissai aller un peu, puis je lui dis tout à coup « Savez-vous quelle différence il y a entre mon ami qui était là tout à l'heure et moi, monsieur ?»« Laquelle, belle dame ?» fit le vieux galantin avec son plus gracieux sourire. Je le regardais dans le blanc des yeux, et me levant, je lui jetai fièrement ces mots à la face. « C'est que monsieur d'Orcel est le meilleur des maris, monsieur, et que je l'adore. » 18 juin. Je ne sais ce qu'a Jacques depuis 2 jours. Je lui trouve mauvaise mine. Il a perdu son bel appétit et se plaint de douleurs de tête. Je crains qu'il ne couvre quelque chose. Cette nuit, je suis venu 10 fois, sur la pointe des pieds, écouter à sa porte. Son sommeil était agité. Il poussait de petits gémissements, prononçant au rêve des paroles incohérentes. Je n'ai pas pu résister. Je suis entré sans bruit. Il dormait, la face rouge et congestionnée. Je l'ai baisé au front, comme je baisais ma fille quand elle était petite et que je craignais de la réveiller. Et puis je suis resté dans un fauteuil, près de son lit, à le regarder dormir, jusqu'au matin. Il a paru surpris de me trouver là, quand il a ouvert les yeux. Je lui ai dit que je venais seulement d'entrer dans sa chambre, ayant voulu voir si le malaise dont il se plaignait la veille s'était dissipé avec le sommeil. Son pouls, qu'il m'a donné à tâter, m'a semblé trop rapide. J'ai envoyé chercher aussitôt le docteur, qui ne peut pas se prononcer et qui reviendra ce soir. En attendant, Jacques garde le lit. Il est très abattu, s'ennuie, se plaint. Je crois qu'il a un peu peur d'être malade, lui si brave. comme ces hommes sont peu faits pour endurer la souffrance. Je me suis installé auprès de lui. Je lui tiens compagnie, je tâche à le distraire de mon mieux, ce qui n'est pas aisé. J'ai fait dresser une petite couchette de fer dans mon ancienne chambre, car je veux le veiller cette nuit. Depuis une heure, il dort. Quelle belle tête il a! Ah, que n'est-elle moins belle! Et s'il faut décidément qu'il soit malade, que naisse la petite vérole qui s'attaque à ce visage trop charmant, qui le marque de ses affreux stigmates. Défiguré, les autres ne l'aimeront plus. Et je l'aimerai toujours, moi. Vraiment, je ne sais plus ce que je dis ni ce que je pense. Je deviens folle. En ce moment même, l'idée seule de cette maladie, qui peut-être le guette, qui peut-être va mettre sa vie en danger, devrait m'épouvanter. Et je ne songe qu'à une chose, c'est que, s'il tombait malade, je me dévouerais à lui. C'est que j'aurais la joie sublime de me faire la sœur de charité de mon bourreau. C'est que, sans doute, il me garderait, après, quand je l'aurais sauvé, quelque gratitude de mes soins. C'est que cette crise aurait pour effet de le rendre meilleur, plus aimant, plus fidèle, qui sait. 15 juillet, Dieu soit loué, Jacques est sauvé. Le médecin me l'a juré du moins. Mais quelles mortelles heures, depuis que cette fièvre typhoïde s'est abattue sur lui. La convalescence est commencée. Toutefois, il faut encore beaucoup de soins, des précautions infinies. Depuis 27 jours et 27 nuits, je n'ai pas quitté son chevet. Je ne sais pas où je puise l'énergie physique nécessaire pour me tenir encore debout. Je me suis promis de ne prendre un peu de repos que lorsque je le verrai tout à fait sur pied. Je sens bien que je suis presque à bout. Le docteur ne cesse de répéter qu'il faut me ménager, si je ne veux pas tomber malade à mon tour. Plus tard, nous verrons. Maintenant, je demeure à mon poste. Il me semble qu'à rester ainsi près de Jacques, je lui donne de ma vie. Qu'importe que mes forces s'en aillent, si les siennes reviennent. 25 juillet. Le docteur est content. Jacques va de mieux en mieux. Je le lève 4 heures par jour maintenant. Les premières fois, comme je ne souffre pas qu'un autre que moi le soigne, j'ai dû presque le porter jusqu'à son fauteuil, tant il était faible. Je ne me serais jamais crue si vigoureuse. Il est vrai que si je devais aller pour mon compte jusqu'au bout de la rue, je n'en serais pas capable. Je lui donne des viandes rôties, du bordeaux, du cognac très vieux. Il renaît à vue d'œil. Dans quelques jours, je pourrai l'emmener à Grandval, où il achèvera de se remettre. 27 juillet. Il faut que je m'occupe de lui comme d'un bébé. Que je lui fasse sa toilette, que je l'habille et que je le déshabille. Je le peigne, je parfume sa barbe, car monsieur redevient coquet, et me demande 10 fois par jour si cette maladie ne l'a pas enlaidi. Si ses cheveux ne tombent pas, et s'ils sont toujours aussi blonds. Il faut que je le surveille, aussi que je l'empêche de rester trop longtemps à l'air, et surtout de manger comme un ogre. Apparemment, j'étais faite pour être garde-malade, car je trouve tout cela délicieux. Et ne voilà-t-il pas que moi, qui étant souhaité son rétablissement, je vois approcher avec une sorte de regret inavoué la fin de cette convalescence. Guéri, sera-t-il à moi tout entier, comme il l'est maintenant? 24 août. Nous sommes à Grandval depuis 3 semaines bientôt. Blanche est venue nous y rejoindre, et elle y passera les vacances. Pour la récompenser de son succès à l'examen, je lui ai promis que je ne la remettrai pas l'hiver prochain au couvent, et j'ai écrit à Miss de revenir. Je ménage une surprise à ma fille. J'ai invité son cousin Pierre à venir chasser ici en septembre. Ah, s'il pouvait se plaire. Et puis, dans un an ou deux, s'épouser. Et me donner de beaux petits-enfants. Quel rêve! L'heure n'était point venue pour moi d'être grand-mère? Hélas, je n'ai qu'à me regarder dans une glace pour me convaincre qu'il est inutile, désormais, de chercher à me rajeunir. Et que cette année-ci, en passant sur ma tête, y a laissé de terribles traces, comme les années de campagne dans les pays insalubres et torrides en laissent sur le front des soldats. 25 août. Du temps où je faisais la garde malade auprès de Jacques, une habitude m'est restée. Je l'appelle quelquefois, sans y songer, mon enfant. Quand je le voyais si faible, si dolent, pouvant à peine soulever une tasse de bouillon et réclamant mon aide pour la porter à ses lèvres, il me semblait tout naturel de l'appeler ainsi. Maintenant que sa robuste constitution a triomphé du mal, qu'il mange, boit, dort, marche, monte à cheval comme autrefois, je devrais renoncer à cette habitude. Elle est ridicule, en somme. Et pourtant, non. Ce mot m'est doux à prononcer, quand je le lui adresse. Qui sait s'il n'exprime pas, mieux que tout autre terme, un sentiment nouveau qui se serait insinué en moi sans que je m'en aperçusse même, tandis que je défendais Jacques contre la mort, comme j'ai fait, autrefois, pour Blanche, quand elle a eu son angine. je puis bien me rendre ce témoignage que la guérison de mon mari est en partie mon œuvre. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de le traiter un peu comme si je lui avais donné cette vie que, peut-être, il n'eût pas conservée sans moi ? 26 août. Assurément, je n'ai fait que mon devoir, en le soignant du mieux que j'ai pu. Mais pas un remerciement, pas une marque de gratitude ou d'affection. C'est un peu dur. Le seul salaire sur lequel je comptasse était que mon dévouement toucherait, attendrirait un peu ce corps de pierre. J'étais donc trop ambitieuse. Maintenant qu'il va bien, je le retrouve tout entier tel qu'il était il y a 3 mois, absolument semblable à lui-même. La maladie a glissé sur lui comme une goutte d'eau sur la plume d'un oiseau. Jamais je ne l'ai vu plus resplendissant de force et de jeunesse, plus épanoui, plus insouciant. Allons, pauvre femme, résigne-toi. Prends ton lot, qui est de souffrir par cet homme. Laisse-lui le sien, qui est de donner pour aliment à sa joie de vivre la souffrance d'autrui. Sois généreuse, sois stoïque. Prie pour lui, pardonne, ne te plains pas. 27 août. Je me suis aperçu qu'il commençait à faire une cour très vive à cette petite blonde, notre voisine, laquelle ne paraît pas insensible aux hommages qu'il lui prodigue. La malheureuse. Combien de temps le gardera-t-elle? Et comme elle souffrira quand, ayant tout sacrifié pour lui, elle le verra bientôt passer à une autre. J'ai quelquefois envie de dire à cette femme, prenez garde, je sais ce qu'il en coûte. Je me sens pour elle, non de la haine, mais une immense pitié. Quant à lui, je l'excuse. J'en viens à croire qu'il n'est pas responsable, qu'il obéit à je ne sais quelle fatalité d'instinct, si puissante que rien ne peut prévaloir contre elle. Il y a de même dans la nature des forces malfaisantes qu'on a le droit d'éviter, si l'on peut, non de maudire, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Qui m'eût dit que j'arriverais jamais à cette philosophie résignée? Mais hélas, que d'amertume, que de désespérance, que de douleur dans ce renoncement. 28 août. Il veut que nous recommencions à donner des fêtes, sans doute pour avoir l'occasion de voir un peu plus souvent cette femme. Serait-elle déjà sa maîtresse? C'est bien possible. Il faudra donc que je la reçoive, que je lui fasse bon accueil et visage souriant. Pourquoi pas, mon Dieu? Le Christ a bien bu le calice jusqu'à la lie. Qu'elle vienne, la pauvre femme, qu'elle me regarde, qu'elle voie ce que cet homme fait de celle sur qui son cruel caprice s'est posé. Et s'il en est tant encore que le spectacle de la créature lamentable, usée, brisée que je suis, la sauve, elle. 29 août. Je suis contente de moi, non de mon corps, que je sens miné par je ne sais quel mal qui me travaille sourdement et sans trêve, mais de mon âme. Toutes ces épreuves qu'elle a traversées ont été pour elle quelque chose comme un filtre où elle s'est clarifiée. Je ne sens plus en moi que bonté, charité, résignation, amour. Et cet amour n'est plus la flamme impure qui me consumait jadis jusqu'aux os. C'est un grand feu doux, toujours égal, qui se répand en chaleur et en lumière sur toutes choses et sur tous êtres. J'ai recommencé les lectures pieuses que j'avais eu le tort d'interrompre. J'ai longuement médité sur ces mots que Pascal fait dire par le Sauveur dans le mystère de Jésus. Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Je te suis plus ami que telle et telle, car j'ai fait pour toi plus que, et il ne souffrirait pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourrait pas pour toi, dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prête à faire. Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Oh, les belles, les admirables paroles. Je les ai apprises par cœur, je me les récite souvent, comme une prière. Et il me semble que ce n'est plus Jésus qui s'adresse aux pécheurs, mais que c'est moi-même qui parle à mon mari. Oui, les rides qui maintenant déshonorent ce visage, dont j'eus la faiblesse d'être fière, ces rides sont le sillon tracé par les larmes que tu as fait verser à mes yeux. Les cheveux gris qui se mêlent, de plus en plus nombreux à cette chevelure dont on vantait la beauté, c'est dans une des nuits d'agonie que tu m'as fait passer qu'ils ont commencé à blanchir. Mais je ne t'en veux pas, je te pardonne, comme le crucifié a pardonné à ses bourreaux, car, moi aussi, je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Seulement, cet amour s'est élevé jusqu'à des régions si hautes, si sereines, que rien de ce qui les arrachait autrefois des pleurs et des cris ne peut plus arriver jusqu'à lui, comme un oiseau blessé qui se réfugie en plein ciel et qui là s'enivre d'air pur et de lumière. Il monte, il monte, il plane. Merci, Seigneur, d'avoir donné à mon pauvre cœur meurtri l'apaisement, comme les saintes femmes ont versé le baume et la myrrhe sur la blessure saignante de vos pieds divins. 15 septembre. Je n'en puis plus douter. Jacques est l'amant de la comtesse. Il s'affiche avec une impudence inconcevable. La malheureuse est venue me voir hier. Je l'ai traitée avec bonté, bien qu'elle affectât de me regarder, d'abord d'un air de bravade. Sans doute elle croit que je lui veux du mal, je la plains seulement. Pourvu que le mari, qu'on dit jaloux et violent, ne les surprenne pas dans les bois où ils se rencontrent, comme les bêtes. 30 septembre. Et voici que de nouveau les feuilles jaunissent et commencent à tomber. J'ai fait rouler la chaise longue, que je ne quitte plus guère sur le perron, afin de me mettre un peu en espalier au soleil, car j'avais froid, et aussi pour contempler mon parc, qui, en cette saison de l'année, a je ne sais quel charme de touchant de beauté mélancolique, qu'ont aussi, paraît-il, certains visages humains, sur le front desquels la mort prochaine est écrite. J'étais là, jouissant de sentir le beau soleil réchauffer mes membres, lorsque Jacques, Blanche et Pierre, à cheval, ont débouché de l'allée qui mène aux écuries, et sont venus prendre congé de moi avant de partir pour la promenade. Cette folle de Blanche, qui passe son temps à me câliner depuis que son cousin est ici, heureux symptôme dont se réjouit mon cœur, s'est laissée glisser à bas de sa jument et m'a mis sur les joues 3 ou 4 gros baisers en disant « Depuis quelque temps, maman, tu es trop jolie, il faut que je t'embrasse encore. » Jacques a ajouté « Le fait est, ma chère Louise, que vous êtes aujourd'hui tout à fait en beauté. » J'ai souri sans répondre. Ah, s'il pouvait deviner à quoi je pensais lorsque j'ai souri ainsi. Blanche s'est remise en selle. Je leur ai fait signe de la main en disant « Adieu, mes enfants !» Puis j'ai laissé retomber ma tête en arrière. J'ai fermé les yeux pour retenir de grosses larmes qui venaient soudain de gonfler mes paupières. Et j'ai murmuré les mots de la passion. Tout est consommé. J'ai vaincu, je le sens. La femme amoureuse et jalouse est morte en moi. Je ne puis plus. Je ne veux plus être qu'une mère. Mais que ces victoires-là coûtent cher, grand Dieu, comme elles épuisent. Tandis que j'attends leur retour, en écrivant ces lignes sur mon journal, ce journal que Jacques lira un jour, je le veux, quand je ne serai plus de ce monde, je me prends à songer, avec une surprenante netteté de souvenir, à un tableau que j'ai vu ce printemps au salon. Il représentait une femme étendue sur son lit, comme je le suis moi-même sur une chaise longue, le haut du corps soutenu par plusieurs oreillers. Un prêtre sortait de la chambre. Près du lit, des parents, des enfants pleuraient, agenouillés. La mourante faisait de la main un geste de bénédiction, qui ressemblait étrangement au signe d'adieu que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi ne puis-je plus détacher ma pensée de cette toile? Serait-ce encore un présage, comme l'hirondelle? Fin de la section 80.